gars pour sa damisène. Comme un boom low, frotti ou frotta. Midi ou arrête, mi direct ou arrête pas. La cafonie là sans mal chata. Sous le son il transpire, ouais, même de sous là. Et là où les sous là, on comprend pire, bois pire, l'envie de pipi. Flip, flop, girl for wine. Flip, flop, allez bloc, bloc. Comme il dit Nena, 7ème, pas et 7ème. Seul peut être sûr que de la bonne nous ramène. Le produit il est lancé depuis longtemps. Il fait long taille que mille est là depuis un bout de temps. Comme Damitrix, j'ai la prod comme le champ. Black label, musique a jamais gravé dans le sang. Flip, flop, girl for wine. Flip, flop, allez bloc, bloc, bloc. Allez flip, flop, il faut qu'on cadence, cadence. Flip, flip, flop, flip, flop, flip, flop, girl for wine. Qui voilà, mais c'est mon pote Nicolas. Mais tiens, mon coussouflet là, écoute, bottine était là. Avec la bouche en chocolat, en plus courant, tout peut y pop. Viens,